Put your hands together one time. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à Andrepod, l'émission culturelle de FrenchPod. À l'ordre du jour aujourd'hui, un de nos sujets favoris, à savoir la gastronomie, la nourriture, la bouffe. Et donc j'ai au studio aujourd'hui avec moi une grande gourmande, Christella. Salut tout le monde! Alors, je suis une grande gourmande, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup manger. En fait, un jour, j'ai eu une envie folle de choucroute. Je ne sais pas si vous connaissez ce plat français. C'est un plat d'origine alsacienne. Ouais, de l'est de la France. Exactement, avec de la charcuterie, des pommes de terre et du chou cuit. Et donc, j'avais une envie folle de choucroute. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en parle dans un podcast, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse connaître au monde entier la choucroute et aussi les autres plats préférés des Français. C'est bien vrai. Il y a tellement de plats différents en France, mais ce qu'on va aborder d'abord ici aujourd'hui, ce sont les plats préférés des Français. Exactement, pour que si jamais vous avez la chance de passer en France, si jamais vous avez l'occasion de passer en France et que vous voyez un menu avec tous ces noms, en général quand on connaît pas les plats et qu'on vous présente un menu au restaurant, on regarde la carte et on se dit « Mais qu'est-ce que ça peut bien être ce truc ?» C'est vrai, parce que c'est rarement détaillé en fait. On a le nom et puis bon, après on peut toujours demander au serveur, mais à première vue, il y a ces plats qui ont des noms qui n'évoquent pas grand-chose. Exactement. Alors, plutôt que commander au hasard, plutôt que commander au pif, on va vous aider un petit peu à déchiffrer tout ça et à connaître un peu mieux les plats que vous risquez de retrouver très souvent sur les cartes des restaurants. Et après, on aura la chance aussi de connaître les plats préférés de Christella. Et les plats préférés d'Amoury. Oui. Donc, tu as cité la choucroute, ça fait partie de tes plats préférés ou c'est un exemple que tu as donné au hasard? Ça fait partie de mes plats préférés. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hein. Ah. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Rassurez-vous, il y en a plein. En tout cas, il y a un sondage qui a été fait en 2006 par l'Institut d'études marketing et d'opinion Sofres. Sofres, qui est vraiment très connu en France, c'est ceux qui font la majorité des études et sondages en France. Exactement. Et ce sondage montre que les trois plats préférés des Français sont la blanquette de veau, le couscous et les moules frites. Waouh, ces trois plats que j'adore. Donc on va pouvoir les expliquer maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a un fait étonnant, c'est qu'un de ces trois plats n'est pas français. Exactement, le couscous est d'origine nord-africaine. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter un couscous. Moi j'aime beaucoup. Et bien tout simplement c'est de la semoule de blé. La semoule de blé avec des petits légumes et en général de la viande de mouton. C'est ça qu'on retrouve le plus souvent, mais on peut retrouver également de la viande de bœuf, de la viande de poulet. Mais pas de porc évidemment, puisque c'est un plat nord-africain. Et évidemment, ce n'est pas permis par la religion musulmane. Finalement, ce n'est pas si étonnant que ça apparaisse dans le top 3 des Français, puisque finalement, on a la chance d'avoir une forte communauté nord-africaine en France. Exactement. Et il y a énormément d'échanges, et par ce biais, il y a énormément de restaurants nord-africains qui sont là. Exactement. Même ma maman a appris à en faire du couscous. Ouais. Tellement on aime ça, et puis non, général, on mange avec du poulet, et c'est délicieux. Ouais. Merci maman. Sinon, il y a la blanquette de veau. Là, par contre, on repart vers un plat typique français. Un plat délicieux. Ouais. Vraiment, des trois plats préférés des Français, pour moi, c'est le top. Alors, quelle est la recette, en gros, de la blanquette de veau? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve de la viande de veau, qui est en général cuisinée avec une petite sauce crémeuse aux champignons. À la crème, ouais. Et en général, on mange la blanquette de veau accompagnée de petits légumes, par exemple des petites carottes, des petits pois, avec parfois des pommes de terre, souvent avec du riz. Ouais, parce que le riz se mélange très bien avec la sauce de la blanquette de veau. Ouais. Et c'est tout simplement délicieux. Le must, c'est de déguster le tout avec un petit verre de vin blanc. Tout à fait, ouais. Ouais. Ça se marie très bien ensemble. Ça se marie très bien ensemble et c'est vraiment un délice. Ouais. Ce qui est bien, c'est que la viande est très tendre parce qu'elle a mariné pendant un certain temps. Mais en même temps, avec cette crème, avec cette sauce à la crème qui est ajoutée, où tu dis on retrouve des champignons, des petits légumes, des petits oignons, des carottes... Eh bien, ça, elle a énormément de goût aussi. Et d'ailleurs aussi, il y a des gens qui rajoutent directement un peu de vin blanc dans la sauce également. Oui, aussi. C'est un plat d'hiver aussi, un peu. Non, il n'y a pas de saison pour en manger. C'est vrai que c'est délicieux. Ce n'est pas étonnant que cela se retrouve dans le classement. Exactement. Alors, il y a aussi les moules frites. Ah, le grand classique. Grand, grand, grand classique. Grand classique. Alors, moi, je ne suis pas fan de moules. Non? Non, je préférerais toujours un steak frites à des moules frites. C'est étonnant qu'il ne se retrouve pas dans le top 3 des plats préférés des Français. Le steak frites, aussi très, très apprécié, mais je crois qu'il doit être dans le top 10, quelque chose comme ça. D'accord, oui. Je n'aurais pas mis les moules frites dans mon top 3, mais je trouve ça très bon. Quand les moules sont fraîches, elles peuvent être accompagnées de différentes façons par une multitude de sauces différentes. On pense à sauce à la crème encore, ou bien à sauce au vin blanc, à la sauce aux champignons, sauce provençale. Sauce provençale, ça comprend de la tomate, des poivrons, petits légumes, sauce à la bière. Enfin, il y a beaucoup de sauces différentes qui accompagnent ces moules. Et à côté de ça, on a des frites également. Il y a des gens qui aiment manger les moules seuls. Mais le plat préféré, c'est quand on ajoute en plus des frites. Et alors donc, c'est bien, c'est que dès qu'on se retrouve dans un restaurant au bord de mer, il y a une grande probabilité qu'on retrouve ce plat inscrit sur le menu. Ouais. Alors, sinon, toi, Maury, les plats que tu aimes beaucoup, que tu penses que beaucoup de Français aiment aussi, dis-moi. Alors, je vais encore citer un grand classique qui est mon plat préféré français. Ça s'appelle le cassoulet. Alors, le cassoulet, c'est vraiment un plat typique du sud-ouest de la France. Donc, ce sont à la base des haricots blancs qui sont cuisinés avec une sauce à la tomate et auxquels on ajoute des saucisses. Saucisses de Toulouse. Des saucisses, exactement. Du lard. On peut avoir des morceaux aussi de... De viande de porc. Voilà, de porc ou de volaille. Enfin, je trouve ça assez fantastique. Pour moi, c'est vraiment mon plat préféré. Il va sans dire que c'est assez consistant. Ce n'est pas un plat léger. Non, pas du tout. Pour ceux qui prévoient de faire un régime, il ne faut pas commencer par un cassoulet. Non, surtout pas. Mais il faut quand même goûter. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est mon préféré. Ensuite, j'irai les huîtres. C'est vrai? J'aime beaucoup les huîtres. Et le troisième, ce serait la sole meunière. Pas la ratatouille? On peut envisager d'avoir une sole meunière avec un peu de ratatouille à côté. Puisque donc une sole meunière, donc c'est ce poisson, en fait, la sole, c'est ce poisson plat qui est très fin, très bon, qui d'ailleurs qui est pas donné, qui est assez cher. Et meunière, ça veut simplement dire qu'il est cuisiné avec une sauce au beurre et au citron. Donc c'est assez simple. Donc, et on peut l'accompagner de pommes de terre et ou de ratatouille. Alors c'est quoi la ratatouille? La ratatouille, c'est ce plat alors du sud-est de la France qui est très populaire là-bas. Qui est un mélange de différents légumes cuits ensemble. Donc, cela comprend des tomates, des aubergines, des poivrons, de l'ail, des oignons, des herbes, beaucoup d'herbes. Des herbes de Provence, afin que ça donne encore plus de goût, avec des odeurs, des parfums et un goût fantastique. Alors, moi, je ne suis pas fan de ratatouille, c'est pour ça que je ne dis rien. Mais donc, si la ratatouille ne fait pas partie de tes plats favoris, de tes plats préférés, quels sont-ils? Tu nous as dit la choucroute? Ouais, exactement, la choucroute. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Les lentilles, un petit salé. Le petit salé aux lentilles. Un petit salé, ouais, aux lentilles, c'est... ça, c'est vraiment un truc qui... J'irai jamais non. En fait, ce plat, c'est tout simplement des lentilles cuisinées avec des petits oignons, des carottes finement coupées et de la viande de porc salée. Mmh. Et on appelle donc ce plat le petit salé aux lentilles. Et encore une fois, ce plat, on peut le servir avec des pommes de terre vapeur. Oui, c'est très bon. Ouais. Et c'est vrai que ça a énormément de goût. Ah non, ça fait... Ah, ça te fait rêver, hein. C'est un milieu à la bouche, là. Vous pouvez pas voir l'expression sur le visage d'Amory, mais je peux vous dire que à partir du moment où j'ai dit lentilles et petit salé... Il a arrêté de parler. Comment ai-je pu l'oublier? Oui. Sinon, je pense que je ne pourrais jamais dire non à une quiche lorraine non plus. C'est un plat que je mange très souvent quand je suis en France, peut-être une fois par semaine ou même une fois toutes les deux semaines. Mais je pense que je ne m'en lasserai jamais. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications? Qu'est-ce qu'il y a dans une quiche lorraine? Alors la quiche est tout simplement faite, bon, bien sûr, d'une pâte à tarte. Ouais. Une pâte à tarte, pas sucrée. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cette quiche, c'est un mélange de crème fraîche et de petits lardons. Tout simplement. Waouh. Et c'est un vrai délice. Ouais, ça à manger avec une petite salade, même pour un régime, ça passe. C'est vrai que c'est délicieux. Alors maintenant, on va passer à la partie dessert, parce que si vous ne le savez pas, un dessert, c'est très important pour un Français. Le déjeuner ou le dîner doit se terminer par un dessert. Sinon, c'est pas complet. On peut pas, en tant que Français, je vous le dis, on peut pas rester sur une note salée. Et pourtant, Dieu sait, les fromages sont importants. Mais comme tu dis, il faut terminer par une note sucrée. Une note sucrée. Sinon, c'est juste pas naturel. C'est bizarre. J'avais mon oncle qui me disait tout le temps, grand gastronome, qui me disait, un repas sans dessert, c'est comme une mouche sans aile. On pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça, c'était son exemple. Vous comprenez la métaphore. Et en plus, grande nouvelle, Christella et moi sommes d'accord. Nous avons peut-être un point commun. Nous avons le même choix. Pour ceux qui ont écouté beaucoup de leçons et beaucoup de podcasts, c'est sensationnel. Ça n'arrive pas souvent. Ça vaut le coup d'être cité. Alors, le dessert number one, qu'est-ce que c'est, Amory? C'est la tarte tatin. Sans discussion, sans aucun doute. Sans aucun doute, il n'y a rien à dire, sans équivoque, c'est la tarte tatin. Oui. Alors, Qu'est-ce que c'est la tarte à pain brie? C'est une tarte aux pommes. Mais sa spécificité, ce qui la différencie des autres tartes aux pommes, c'est que les pommes sont caramélisées et ce sont des gros morceaux de pommes. Ce ne sont pas des exactement, petites tranches. Pas des fines tranches de pommes comme la tarte aux pommes traditionnelle. Oui. Ce sont des grands morceaux de pommes et vraiment, ça... Comment décrire le goût? C'est sucré, c'est caramélisé, ça a un goût de pommes cuites et c'est tellement bon les pommes cuites. Je peux vous dire que si c'est le numéro 1 sur notre liste, c'est qu'il y a une raison. Et c'est encore mieux, c'est quand la tarte à pain est accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Oui, tout à fait. C'est à en pleurer. Oui, parce que la tarte doit être chaude. Oui. Donc vous imaginez la boule de vanille qui est en train de fondre sur la tarte. Exactement. On mange les deux ensemble. J'ai découvert la tarte à pain très tard dans ma vie. Je pense que j'avais 20 ans passé. Et j'ai toujours été une fan de tarte aux pommes. Ouais. Notamment tarte aux pommes avec un petit peu de sucre fondu sur le dessus et un peu de cannelle. Mais quand j'ai découvert la tarte à pain, je me suis dit, quelle arnaque. Pendant 20 ans, j'ai adoré la tarte aux pommes et personne ne m'a jamais parlé de la tarte à pain. Et après, j'ai fait que manger des tartes à pain. Fini les tartes aux pommes traditionnelles. Fini les tartes aux pommes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et un dessert aussi que j'apprécie beaucoup, c'est l'île flottante. Ah oui, donc là, déjà, on se sépare. Non, tu n'es pas fan d'île flottante? Non, pas trop. Mais c'est vrai que c'est un grand classique des desserts qui se retrouve sur toutes les cartes, dans beaucoup de menus. Exactement. Alors, l'île flottante, ce sont simplement des œufs battus en neige qui sont posés sur une couche de crème anglaise. De crème anglaise, donc c'est une crème assez liquide. La traduction en anglais, c'est custard, mais c'est vrai que la crème anglaise, comme on l'a fait en France, est différente, en fait, de la véritable custard. Et la crème anglaise, elle est plus fine et plus liquide, en fait. Et alors, le must, c'est l'île flottante avec un petit peu de caramel sur le dessus et des amandes effilées. D'accord, donc, c'est comme ça que tu la préfères. Ouais, c'est vraiment comme ça que je la préfère. Alors sinon, il y a un dessert qui est très populaire aussi chez les Français, c'est la mousse au chocolat. Un dessert traditionnel aussi. Moi, je suis pas fan de chocolat, donc c'est pas mon préféré. C'est très bon, mon temps. Alors toi, Maury, à part la tarte tatin. Oui, j'aime beaucoup les crêpes. Parce que je prenais à chaque fois, quand j'étais petit, quand j'étais au restaurant, je prenais une crêpe en dessert. Une crêpe généralement à la confiture. Donc en tout cas, on espère qu'on vous a vraiment... Milo à la bouche avec ce podcast. On va vous mettre plein de photos sur le site internet frenchpod.com pour que vous puissiez avoir une image de ce que sont ces différents plats. Ouais. Et alors, avant de terminer le podcast, je voulais faire une remarque, puisque à chaque fois, quand je voyage, on me demande si en France, donc, est-ce que les Français sont vraiment friands, est-ce qu'ils vraiment ils adorent manger des escargots, des grenouilles, du cheval. Alors, ce n'est pas tous les Français qui en mangent. Certains trouvent ça pas vraiment appétissant, mais c'est vrai que ça existe. Personnellement, je mange les trois. Les escargots, c'est sont... vrai? Ah ouais. Je trouve que les escargots, c'est vraiment très très bon. Ouais. Une sauce à l'ail. Le cheval est aussi une viande qui n'est pas mauvaise du tout. Je comprends que ça heurte certaines personnes parce que c'est un animal très affectueux. Mais c'est bon à manger. Mais c'est juste bon. Oui. Et ensuite, il y a aussi les fameuses cuisses de grenouille pour lesquelles nous sommes connus. Qui, à mon avis, ne sont pas extraordinaires, mais c'est vrai que c'est mangeable et qui se retrouvent parfois sur les cartes des restaurants. Le cheval, c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment dans certaines régions, ouais. Mais c'est vrai que ça existe. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais mangé aucun des trois plats que l'on vient de citer. Jamais d'escargot ? Jamais. Et d'ailleurs, je ne compte pas en manger. Parce que comme tu l'as dit, ça ne m'attire pas particulièrement. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, je peux vous dire que je connais beaucoup de Français qui non plus n'en ont jamais mangé de leur vie. Et l'idée leur fait un peu peur, quoi. Ouais. Il y a tellement de plats différents en France, d'autres choses. Mais ils font partie de ces plats également. Oui, très connus en France. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à venir laisser vos commentaires sur la page discussion concernant ces trois plats que nous venons de citer. Également, ce qui serait très intéressant de savoir, c'est de connaître vos plats préférés. N'hésitez pas, parce qu'en même temps, ce serait vraiment très intéressant de connaître les spécialités du pays ou de la région d'où vous venez. Exactement, et aussi si vous avez eu l'occasion de goûter à l'un des plats que l'on a cité dans le podcast, ce serait vraiment intéressant d'avoir votre avis. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, maintenant, je crois qu'il est bientôt l'heure d'aller... Il est bientôt temps d'aller manger, Christella. J'ai trop faim, là, j'en peux plus. On est parti. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.